Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Pour les femmes combattantes, de celles donc qui ont pris les armes, c'était une aubaine dans la mesure où on ne pouvait pas remettre en cause d'abord le fait qu'elles avaient démontré un réel courage à l'égal des hommes. Elles combattaient vraiment à leur égal. Elles ont participé vraiment à tous les niveaux au même titre que les hommes. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Puisque le féminisme est au travail avec une énergie renouvelée et qu'il constitue entre obstacles et avancées l'un des mouvements sociaux, politiques et éthiques les plus profonds de notre présent, nous allons braquer notre attention ce matin sur un sujet qui, comme tant d'autres, exige la lumière de la longue durée. Il ne s'agira pas, dans le temps bref d'une émission, d'embrasser l'histoire générale du féminisme à travers les âges, mais de considérer, et ce sera notre angle, comme disent les journalistes, de considérer quelques moments où des femmes ont spécifiquement signifié, que ce soit dans la guerre extérieure ou dans des conflits intestins, qu'elles étaient à même de se saisir elles-mêmes d'une violence dont la plupart des civilisations attribuaient le monopole aux représentants du sexe mâle. Cela a pu être directement afin d'arracher plus d'égalité civile et politique contre la résistance de l'ordre établi. Mais cela put être aussi pour affirmer, l'arme à la main, qu'elles avaient une place dans des combats guerriers dont l'enjeu concernait leur société tout entière, ce qui était encore indirectement une façon d'affirmer le refus d'une subordination. Nous ne rêverons pas d'être exhaustifs, même dans un champ défini et restreint de la sorte. Mais en courant la poste depuis les Amazones jusqu'aux suffragettes anglaises, en passant par le Moyen Âge ou les révolutions du long XIXe siècle, de 1789 à la Commune, nous pourrons rencontrer bien des résonances et peut-être exhumer aussi les origines de quelques fantasmes masculins. Martial Poisson, professeur d'histoire culturelle à l'université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, vient d'organiser un livre à plusieurs voix qui s'intitule précisément « Combattante, une histoire de la violence féminine en Occident ». Il s'imposait donc que je l'invite, et voilà qui est fait. Réjouissez-vous, patriotes, vous allez avoir du secours. Les filles femmes en ribote veulent se combattre à leur tour. Veulent se combattre à leur tour, à la tête des volontaires. On verra ce sexe charmant, d'un cœur hardi, faire la guerre. Pour combattre les émigrants, pour combattre les émigrants. La colonelle générale qui commande ce régiment doit avoir l'âme martiale et se tenir sur le devant. Et se tenir sur le devant. Après viendront les grenadières, les filles les mieux découplées, on les a mises les premières après les avoir bien toisées. Nos villageoises vigoureuses dans tout combat auront l'honneur. On les tirera pour chasseuses car rien ne peut leur faire peur. Car rien ne peut leur faire peur. En allant à la découverte, s'il fallait monter à l'assaut, la brèche serait bientôt faite, il n'y aurait plus qu'à faire un saut. Les blanchisseuses et couturières veulent soutenir la loi. Elles veulent sur les frontières tirer quatre coups à la fois. Tirer quatre coups à la fois. On recevra toutes les femmes n'ayant pas plus de 40 ans pour apprendre à tirer les armes aux jeunes filles de 15 ans. Aux jeunes filles de 15 ans. L'autre jour, une jeune fille âgée de 70 ans dit: quoi que ma tête brandille, je veux suivre le régiment. Je veux suivre le régiment. Si dans une attaque critique nos volontaires faisaient faux bond, les vieilles manieront la pique et les plus jeunes tireront. Et les plus jeunes tireront. Lorsqu'on recevra les novices, elles n'auront que 18 ans. Pour leur apprendre l'exercice, on leur donnera leurs amants. Engagez-vous, filles charmantes, dans ce superbe régiment. Puisque tous vos amoureux partent, vous pourrez les suivre aisément. Puisque tous vos amoureux partent, vous pourrez les suivre aisément. Martial Poirson, bonjour. Bonjour. Je viens de vous proposer une chanson anonyme de 1793 qui était chantée par Francesca Solville en 1989 au moment du bicentenaire, une chanson qui s'intitule « Départ des Amazones françaises des 83 départements pour la frontière ». Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne introduction à notre propos de ce matin ? C'est une excellente introduction, merci de l'avoir choisie, car elle permet de montrer que dans ce contexte de levée en masse des armées en 1793, il y a une coalition de monarchies européennes qui veulent absolument mettre à genoux la jeune République, donc les hommes partent massivement combattre aux frontières, et cette chanson nous rappelle que les femmes participent également à l'effort de guerre, au combat, avec quand même deux petits bémols, c'est que en réalité, les femmes ont participé activement à la défense, mais ont assez peu, en tout cas pendant la Révolution française, été vraiment jusqu'aux frontières. Vous trouvez que la chanson est exaltée à cet égard ? La chanson est tout à fait exaltée, et c'est son but probablement, mais elle permet en tout cas de montrer plusieurs choses, notamment la solidarité féminine avec ces femmes de 40 ans qui initient les jeunes filles au maniement des armes, donc il y a l'idée d'une initiation qui passe plus cette fois par les tâches domestiques, mais par vraiment le métier du combat. Il y a l'idée également d'une union sacrée, si on peut dire, même si le terme est anachronique, entre les classes sociales. On voit aussi bien des bourgeoises que des femmes du peuple auxquelles la chanson rend hommage, les blanchisseuses, les couturières, les lavandières, les villageoises. Donc c'est tout un peuple de femmes en fait qui se soulève. Donc à travers cette image exaltée, presque un peu image d'Épinal, se dessine en fait un hommage rendu aux femmes qui finalement ont marginalement participé au combat et encore moins à des fonctions de commandement, autre vision un peu enjolivée de la chanson, mais qui était bien présente et qui, en tout cas, si on prend des figures importantes comme Thérouanne de Méricourt, ont pensé cette implication des femmes dans les unités combattantes. Quoi qu'il en soit, on trouve là, me semble-t-il, un assez bon éventail des problématiques que nous allons avoir à rencontrer ce matin. Absolument, et notamment l'image de l'Amazone qui fait retour finalement et qui est en quelque sorte un peu structurante dans toutes les mobilisations de femmes depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. C'est intéressant. Merci pour la transition. Je vous avais tendu la perche à cause du titre de cette chanson, les Amazones françaises des 83 départements. Nous allons de fait commencer par les Amazones, leur mythe. C'est une figure indéfiniment recyclée et actualisée. Et il faut aller la débusquer à ses origines. D'où vient le mythe des Amazones ? Alors, justement, l'Amazone a longtemps passé pour un mythe et l'histoire relativement récente, finalement, a montré que ce peuple d'Amazone a effectivement existé quelque part entre les terres des Thraces et des Scythes, sur la mer Noire, l'actuelle mer Noire. On a retrouvé notamment des sépultures de femmes qui étaient donc enterrées avec des armes, avec toutes sortes de représentations symboliques qui renvoyaient à l'ère de la guerre. Et des blessures. Des blessures, surtout, voilà, parce que la présence des armes ne suffisait pas à attester de leur participation au combat. Mais on a également pu étudier, on a fait une sorte d'autopsie de ces corps retrouvés, de ces corps embaumés pour certains, et on a pu constater qu'elles avaient déjà les jambes très arquées, ce qui prouve qu'elles étaient effectivement des cavalières, qu'elles avaient des blessures qui pouvaient pas s'expliquer par des accidents domestiques, des os brisés, des os scarifiés, une présence vraiment de traces de lutte violente en fait, qui prouve que ces femmes, dans une proportion qu'on estime à peu près à 30%, entre 20 et 30%, ce qui n'est pas rien, des sépultures retrouvées dans cette région-là avaient participé, donc avaient fait œuvre de guerrière au sens propre du terme, même si ensuite tout ça a été recouvert par tout un imaginaire fantasmatique. Mais avant les découvertes archéologiques, on les connaissait par un certain nombre d'auteurs de l'Antiquité, Strabon, Diodore de Sicile et Hérodote. Je vous propose d'écouter Hérodote, nous parlant des Amazones. On était au 5e siècle avant Jésus-Christ. Cet extrait est lu ici par André Dagnet sur France Culture le 18 juillet 1978. Kremne est du pays des Scythes libres. Les Amazones, étant descendues de leur vaisseau en cet endroit, avancèrent par le milieu des terres habitées. Et, s'étant emparées du premier haras qu'elles rencontrèrent sur leur route, elles montèrent à cheval et pillèrent les terres des Scythes. Les Scythes ne pouvaient deviner qui étaient ses ennemis, dont ils ne connaissaient ni le langage, ni l'habit. Ils ignoraient aussi de quelle nation ils étaient. Et dans leur surprise, ils n'imaginaient pas d'où ils venaient. Trompés par l'uniformité de leur taille, ils les prirent d'abord pour des hommes. Et dans cette idée, ils leur livrèrent bataille. Mais ils reconnurent par les morts restés en leur pouvoir après le combat que c'étaient des femmes. Ils résolurent dans un conseil tenu à ce sujet de n'en plus tuer aucune, mais de leur envoyer les plus jeunes d'entre eux, en aussi grand nombre qu'ils conjecturaient qu'elles pouvaient être, avec ordre d'asseoir leur camp près de celui des Amazones, de faire les mêmes choses qu'ils leur verraient faire, de ne pas combattre quand même elles les attaqueraient, mais de prendre la fuite, et de s'approcher et de camper près d'elles lorsqu'elles cesseraient de les poursuivre. Les Scythes prirent cette résolution parce qu'ils voulaient avoir des enfants de ces femmes belliqueuses. Les jeunes gens suivirent ces ordres. Les Amazones, ayant reconnu qu'ils n'étaient pas venus pour leur faire du mal, les laissèrent tranquilles. Cependant, les deux camps s'approchaient tous les jours, de plus en plus. Les jeunes Scythes n'avaient comme les Amazones que leurs armes et leurs chevaux, et vivaient comme elles de leur chasse et du butin qu'ils pouvaient enlever. Vers l'heure de midi, les Amazones s'éloignaient du camp, seules ou deux à deux, pour satisfaire aux besoins de la nature. Les Scythes, s'en étant aperçus, firent la même chose. Un d'entre eux s'approcha d'une de ces Amazones isolées, et celle-ci, loin de le repousser, lui accorda ses faveurs. Les autres jeunes gens, instruits de cette aventure, apprivoisèrent aussi le reste des Amazones. Et ayant ensuite réuni les deux camps, ils demeurèrent ensemble, et chacun prit pour femme celle dont il avait eu d'abord les faveurs. Menons une autre vie, réunissons-nous au reste des Scythes, et vivons avec eux, nous n'aurons jamais d'autres femmes que vous. Nous ne pourrions pas, répondirent les Amazones, demeurer avec les femmes de votre pays. Leurs coutumes ne ressemblent en rien aux nôtres. Nous tirons de l'arc, nous lançons de javelots, nous montons à cheval, et nous n'avons point appris les ouvrages propres à notre sexe. Vos femmes ne font rien de ce que nous venons de dire, et ne s'occupent qu'à des ouvrages de femmes. Elles ne quittent point leurs chariots, ne vont point à la chasse, ni même nulle part ailleurs. Nous ne pourrions par conséquent jamais nous accorder ensemble. On trouve chez les auteurs de l'Antiquité deux variantes du mythe des Amazones. Tantôt elles ont pris le pouvoir sur les hommes, tantôt elles vivent quasiment sans les hommes, quitte à leur demander de temps en temps de jouer un rôle de reproducteur. Oui, absolument. C'est les deux structures archaïques un peu du mythe. Tout d'abord, le peuple de femmes, auto-engendré, qui va se régénérer démographiquement en volant, voire en violant d'une certaine façon des hommes pour pouvoir se reproduire en circuit fermé. Et puis l'autre, donc, le mythe de la barbare, de l'invasion barbare. Pour Hérodote, ce sont les barbares. Oyorpata, c'est un terme scythe qui veut dire tueuse d'hommes. D'où vient le mot Amazone? Alors, il y a plusieurs hypothèses, femmes sans hommes dans certains cas, femmes sans sein ou guerrières. Hein, on a les trois étymons possibles, en fait. Sans sein, parce que dans l'image de l'Amazone, pas toujours, mais souvent, il y a l'idée qu'elles feraient l'ablation de leur sein gauche pour tirer plus facilement à l'arc. Oui, alors ça fait partie des idées reçues qui, pour le coup, ont été démenties, hein, mais qui est très intéressante, puisque ça veut dire que pour devenir combattante, l'Amazone est obligée de renoncer à un attribut symbolique de sa féminité, le sein, la dimension mammaire, la dimension maternelle. Et donc, ça rend bien compte de cette idée selon laquelle l'Amazone doit conserver le célibat, doit se tenir éloigné des hommes, à l'exception donc du commerce sexuel, qui lui permet à fonction purement reproductrice, et donc s'enferme dans une sorte de déni finalement des attributs archaïques, essentialistes attribués à la féminité. Du côté des Grecs, naturellement, un mélange d'inquiétude, d'angoisse et de fascination. On le voit très bien dans cet extrait, hein. Finalement, il y a une peur du mélange. Il y a cette phrase magnifique où donc les Grecs expliquent que ils peuvent pas finalement s'établir avec ces femmes puisqu'elles sont vraiment trop différentes des leurs et que donc elles ont notamment cette dimension publique qui pour eux est insupportable et qui montre bien l'inquiétude face à la confusion des genres. Et puis un autre aspect pertinent de l'extrait, c'est que l'homme grec refuse de combattre dès lors qu'il reconnaît la femme sous le costume, en tout cas sous l'habit de combat de ces femmes. Donc tout de suite, la reconnaissance de la dimension féminine conduit à la trêve et à la paix, au refus de combattre. Et du côté du désarroi des hommes, on retrouve des noms aussi prestigieux que Thésée, que Héraclès et qu'Alexandre. Oui, absolument. Alors, Héraclès, c'est intéressant, puisque justement, Hercule conquiert les armes et la ceinture de Hippolyte. Hippolyte qui est un nom de femme à l'époque, hein, je précise. À ne pas confondre évidemment avec Hippolyte, fils de Thésée et beau-fils de Phèdre. Tout à fait, à l'époque le nom Hippolyte est essentiellement un don donné aux femmes, et là il s'agit de la reine des Amazones qui est dépouillée de ses attributs guerriers et de cette ceinture qui dans la culture hellénistique représente en fait la virginité. Hein, et donc justement pour pouvoir la combattre, il faut lui faire perdre son statut de vierge et de célibat. Il y a une sorte de métaphore finalement de viol symbolique qui conduit finalement à la désactivation de la dimension combattante. Et pour Thésée, c'est pareil. Thésée est célébré comme celui qui libère Attique de la conquête des femmes, qui est à la fois une conquête militaire et une inversion des genres. Et c'est ça qui inquiète beaucoup à l'époque et que le mythe doit remettre en ordre d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, dans l'ordre qui est conçu dans la culture hellénistique. Alors enfin, il y a Alexandre, parce que certains auteurs racontent que la reine des Amazones serait venue voir Alexandre après sa conquête de l'Empire perse, entourée par plusieurs dizaines de femmes, pour demander un enfant à Alexandre, qui était un peu surpris, mais qui, semble-t-il, y a finalement consenti. Et pour les auteurs, c'est un signe, en somme, assez dépréciatif de cette sorte d'abdication d'Alexandre devant les plaisirs orientaux. On peut le voir aussi comme une forme d'allégeance indirecte, finalement. On peut retourner, finalement, cette interprétation. Elle s'appelait Thalestris. Oui, Thalestris. Hommage à Thalestris qui, à un moment donné, détourné Alexandre de ses devoirs guerriers. Tout à fait. Donc là, on retrouve un des plus vieux stéréotypes associés à cette féminité guerrière et qui seront ensuite amplifiés dans la légende jusqu'à nos jours. C'est l'image de la guerrière séduisante, en fait, de la combattante érotisée. De cette femme qui dont les attributs guerriers vont devenir en quelque sorte des symboles sexuels, des outils de séduction et qui va contribuer finalement à désactiver le pouvoir dans l'imaginaire de cette combattante sans compromis et sans concession en la réintroduisant dans une sorte de commerce des sexes qui peut aller même jusqu'à une vision franchement pornographique, hein, ce qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a des films qui sont tournés et qui reprennent cette figure de l'Amazone. Qui vient inspirer les imaginaires populaires les plus contemporains. Wonder Woman, personnalité intéressante, vous paraît fille des Amazones ? Oui, alors Wonder Woman, c'est un cas très intéressant parce que ça montre une autre chose, c'est la réversibilité de la mythologie associée aux Amazones. C'est-à-dire que à l'origine, au moment où elle apparaît en 1941 dans un comics, donc ces comics, c'est bon, les ancêtres des bandes dessinées populaires à très large diffusion, qui étaient adressées à l'origine à un lectorat essentiellement masculin dans les années 30. Aux États-Unis. Aux États-Unis, bien sûr. Et qui tout à coup se féminise avec l'apparition de cette Wonder Woman, qui est la première femme dans une galaxie de super-héros et qui est présentée comme celle qui va établir en Amérique le matriarcat. Il y a des phrases du fondateur qui disent que voilà, on va vers la femme est l'avenir de l'homme et que le matriarcat est l'avenir des États-Unis. Et en tout cas, donc, cette figure à l'origine est une figure tout à fait emblématique de des valeurs portées par ce qu'on pourrait appeler des figures offensives. Et en 47, donc le mythe va complètement se retourner puisque cette femme indépendante, célibataire qui va sauver le monde devient amoureuse de Batman, donc on tombe dans une forme de romance, et puis le style du comics bascule également vers le modèle de la pin-up, on n'est plus du tout dans le même imaginaire graphique, et ça ouvre la voie finalement à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette érotisation systématique du corps de la combattante qu'on retrouve ensuite bien plus proche de nous, hein, dans le film par exemple Wonder Woman, qui est sorti il y a 3 ans et qui là est une sorte de longue érotisation de ce corps de femme combattante qui n'est plus présenté que comme une sorte de fantasme sexuel pour les hommes. Donc il y a avec toujours référence aux Amazones. Alors, de plus en plus indirecte, de plus en plus lointaine, hein, puisque là, l'effet de télescopage historique est très puissant, mais néanmoins, dans sa tenue, dans un certain nombre d'éléments du scénario, on a des effets de citation qui demeurent. Il faut tout de même évoquer dans l'intervalle, vraiment dans l'intervalle, la naissance de l'Amazonie en Amérique latine, qui est directement liée au mythe ou à la, l'héritage des Amazones. Comment est-ce que c'est arrivé? Ah oui, on voit bien cette prégnance de l'Amazone, puisque les conquistadors se présentent donc en Amérique latine, enfin se présentent, ou plutôt s'imposent en Amérique latine, et font face à une poche de résistance isolée d'une armée de femmes, et ils les associent tout de suite donc aux figures des antiques Amazones. Ils ont l'impression finalement de revivre la politique de conquête hellénistique, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore on a donné à cette forêt en perdition ce nom des Amazones. Alors je voudrais que nous avancions, Martial Poirson, dans la durée des temps, en évoquant les femmes combattantes, entre le déni au fond et le décrit, on va trouver cela constamment, en évoquant le Moyen-Âge, parce qu'il y a les femmes dans la chrétienté médiévale, s'inspirant d'ailleurs des récits bibliques. Je crois que c'est un moment qui mérite qu'on s'y attarde, en découvrant que ce que Jeanne d'Arc ou Sainte-Geneviève peuvent incarner est finalement quelque peu réducteur par rapport à la diversité, presque à la profusion des femmes guerrières de ce temps-là. Alors là, on a effectivement un effet indirect de l'exemplarité de ces figures, hein, ce Jeanne d'Arc, Sainte Catherine, Sainte Geneviève, qui sont présentées comme des femmes exceptionnelles, en tout point exceptionnelles, inspirées directement par Dieu, et donc supposées, au regard de notre modernité, avoir usurpé les prérogatives masculines du combat. Alors que si on remet cette histoire en contexte, on se rend compte que la présence de femmes en armes, de preuses, comme on les appelait à l'époque, de chevalières ou de chevaleresses, hein, la diversité d'ailleurs du vocabulaire atteste de l'ampleur du phénomène, était beaucoup plus fréquente qu'il n'y paraît. Et c'est la cristallisation sur ces figures emblématiques, et l'héroïsation de ces figures emblématiques dans le récit national, qui a fait à croire finalement qu'il s'agissait de personnalités exceptionnelles. En réalité, c'est une pratique tout à fait courante de l'époque et qui n'est pas perçue comme une usurpation. Voilà. C'est une figure tout à fait admise. La combattante peut se travestir, elle doit se travestir, parce qu'à l'époque, il y a quand même la loi d'interdiction du port d'armes pour les femmes, mais dès lors qu'elle prend l'habit de l'homme, elle est autorisée à combattre. Donc Jeanne d'Arc, procédé de Jeanne d'Arc, si je puis dire, mais que beaucoup d'autres auraient adopté. Absolument, les combattantes de Dieu, et pas seulement de Dieu d'ailleurs, hein, pour les grandes monarchies européennes, sont, sinon monnaie courante, en tout cas une proportion non négligeable des combattantes de l'époque. La figure de Lilith est intéressante à propos de la Bible, les origines de l'humanité, telle que le livre sacré le dessine. C'est une figure un peu oubliée ou négligée aujourd'hui, qui est une sorte de rivale d'Ève, et qui, du point de vue qui nous occupe, la femme combattante, est riche d'enseignements. Absolument. Alors finalement, la tradition exégétique véhiculée par l'Église a finalement rendu exemplaire des figures de soumission, de renoncement ou d'idéalisation de la femme, mais a finalement fait disparaître d'autres figures. Lilith, c'est la première femme de l'humanité, et elle a pour caractéristique d'avoir été faite avec le même limon que Adam. Hein. Donc c'est pas une excroissance du corps de l'homme, comme sera Ève ultérieurement, c'est véritablement la même matière première. Donc plus d'égalité. Plus d'égalité, mais aussi plus d'insubordination. C'est une figure de rébellion, c'est une mauvaise fille, c'est une indocile, c'est une femme qui, elle est présentée aussi dans certains récits comme androgyne, hein, donc elle ne tient pas sa place dans ce qui sera plus tard, en fait, hein, rétrospectivement, une sorte de partage sexuel des tâches et des attributions. Et donc elle est répudiée, punie, condamnée à l'errance, et dans certaines représentations ultérieures, hein, ça c'est pas dans la Bible, mais en tout cas elle se réincarne dans le fameux serpent qui poussera Ève à pousser Adam au péché. Hein, donc elle serait l'origine finalement du mal. Alors elle est punie, et sa punition c'est d'enfanter des enfants morts. Ce qui est assez intéressant finalement, puisqu'on lui dénie la maternité qui permettra justement de donner cette figure exemplaire de Marie, hein, qu'on retrouvera plus tard dans la chrétienté. Donc on lui refuse ça, elle est une femme qui peut pas donner la vie, au même titre que plus tard les sorcières. Parce qu'elle frôle quelque chose comme une image masculine, c'est cela? Alors ça, c'est une explication, oui, c'est un être maléfique parce qu'elle est dans la révolte, parce qu'elle elle s'inscrit dans une sorte de rivalité avec l'homme, et donc ne peut pas s'épanouir dans une maternité, au sens où l'Occident l'a dessinée ensuite. Parmi les héroïnes vers lesquelles forcément la mémoire du Moyen-Âge se tourne, empruntée au texte sacré, à la Bible, il y a Judith. Judith qui a tué, comme on sait, Holoferne, le général de Nabuchodonosor, babylonien, pour défendre le peuple juif. Je vais vous la faire entendre, si je puis dire, par le truchement de Jean Giraudoux, qui en 1931 a publié une pièce qui s'appelait Judith. Cet extrait vous permettra d'entendre Germaine Montero dans le rôle de Judith, avec dans le rôle du rabbin Joachim Jean Hervé, et dans le rôle de Jean, l'amant désorienté de Judith, Jacques Dacmin. C'est un enregistrement du 19 avril 1952. La mise en scène était d'André Beuclair. Judith, Joachim, Jean, Judith se prépare à aller frapper Holoferne. Tu es prête? Je suis prête. Tu as bien réfléchi. Tu prévois tout. Surtout pas de leçons, Joachim, pas de conseils. Adieu donc, Judith. Judith. Je la vois justement, votre Judith. Voilée encore, impénétrable. Ah, ce qu'elle est, ce qu'elle pense, je voudrais bien le savoir. Et Holoferne, le vois-tu? Dans son image la plus immonde, pris de poisson, insultant les Juifs et leurs dieux. Je le vois. Vois-tu la horde de ces femmes autour de toi, faisant de ton corps leur dérision, souillant tes cheveux, tes lèvres? Je les vois. Je les mords. Vois-tu Holoferne à demi endormi, t'attirant de son énorme étreinte, courbant sur lui? Je le vois, je le touche. Tu te défends? Je vois une grosse veine bleue qui bat à son cou comme au cou des taureaux. Je la presse du doigt, la façon pourpre. Il faut partir. Partir maintenant? Attends que la lune soit levée. Cela te donnera le temps pour tes prières. Pour la relève. Car c'est la relève, n'est-ce pas, Jean? Prends un poignard. Voilà. C'est tout ce que tu me conseilles? C'est tout ce que j'ai à te dire. Tu ne m'as pas dit comment on tue? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Du temps que tu auras ou de la surprise. J'aurai tout mon temps. Alors au cœur, le pouce sur la lame et le passant. Où est le cœur? Qu'as-tu? Pourquoi cette colère? J'admire cet esprit méticuleux qui fait le ménage dans cette grande âme. Comment une jeune fille peut regarder en face un géant informe, tu veux aussi le savoir? Et comment une vierge peut sauver l'essentiel de sa virginité dans une union forcée, je te le révèle? Et l'amour, tu en veux une leçon? France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeanneney. Jean Giraudoux, Judith, 1931. Martial Poirson, vous êtes un historien du théâtre et vous savez mieux encore que nous que cette pièce, de façon peut-être surprenante, Jouvet en est resté après coup toujours étonné, est tombée, comme on disait à l'époque. C'était un four. Oui, une quarantaine de représentations lors de sa création au Théâtre de Pigalle. On peut considérer que c'est effectivement pas un grand succès, d'autant plus que la mise en scène est de Jouvet. Et par comparaison avec les autres œuvres de Giraudoux. Absolument, et d'ailleurs c'est une œuvre qu'on lit moins et qui est très intéressante pour deux raisons, hein, comme on le voit dans l'extrait. La première, c'est que ça pose la question de l'autodétermination du crime politique par une femme, qu'on retrouve à travers toute l'histoire, jusqu'à Corday et bien au-delà. Hein, c'est-à-dire comment la femme peut agir de son propre chef. Et on voit bien qu'à plusieurs moments de l'extrait, on essaye de lui demander si elle est vraiment déterminée, on se demande ce qui se passe dans ses pensées. Voilà, donc c'est cette question-là, hein, en fait, la femme qui tue est censée être télécommandée, téléguidée, sous influence, ce qui n'est pas le cas ici. Et puis le deuxième aspect, et ça c'est vraiment l'apport de Giraudoux par rapport au mythe biblique, c'est d'avoir fait de Judith une amoureuse, en fait. Hein. Et donc on sort du schéma de la simple séduction du guerrier, qui était celui de l'origine. Je sauve mon peuple par l'utilisation de mes charmes. Elle a son amant derrière elle. Et voilà, elle a son amant derrière elle, et donc elle passe de la séduction au sacrifice, ce qui est évidemment entre psychologiquement beaucoup plus fort, hein, puisqu'elle fait abnégation de ses propres sentiments. Ce qui est quand même le destin de la combattante des origines jusqu'à nos jours, c'est de devoir renoncer, se départir finalement de toute emprise émotionnelle, de tout attachement humain pour pouvoir mener son combat, pour pouvoir aller au bout de sa quête, et là en l'occurrence sauver son peuple. Donc elle sacrifie la tête de son amant sur l'autel de son attachement à son peuple. Vous évoquiez Charlotte Corday dans le cours de votre propos. Je ne sais pas si elle avait laissé derrière elle en Normandie un amoureux, mais enfin ce comportement n'est pas sans faire rebond par rapport à Judith. D'ailleurs, c'était une de ses références explicites dans sa correspondance. Cela nous conduit à un nouveau moment de notre réflexion, c'est-à-dire l'époque révolutionnaire au sens large, depuis, disons, 1789 jusqu'à la Commune de Paris à travers le 19e siècle. Le premier moment est souvent occulté, en fait, par l'historiographie, rapidement considéré par nos manuels. C'est la marche des femmes vers Versailles pour aller chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron, Louis XVI, Marie-Antoinette et l'enfant et l'héritier. Cet épisode est également révélateur. Vous allez nous le commenter à propos d'un texte que j'emprunte à Rétif de la Bretonne dans ses fameuses nuits révolutionnaires. C'est une lecture due à Sylvain Joubert sur France Culture le 19 août 1988, la marche des femmes vers Versailles. L'éruption commença. C'était un bruit sourd. Le 5, semblable aux bouches de feu du Vésuve ou de l'Etna, elle explosa tout à coup avec un bruit épouvantable. C'étaient les femmes qu'on vit s'insurger. La cherté du pain fut le prétexte. Dès le matin, les femmes de la halle se réunirent pour aller à Versailles. Par elles-mêmes, ces dames ne sont jamais à craindre, elles sont bonnes citoyennes. Mais il se mêle deux sortes de personnes avec elles. Des hommes déguisés, instruits du véritable projet, et de viles créatures, le rebut et l'abus de la civilisation qui, après avoir été prostituées dans leur jeunesse, sont vieilles, courtières de maquerelles. Ce furent ces dernières qui communiquèrent le désordre. Les dames de la halle, ainsi mêlées, parcourent les rues, arrêtent toutes les personnes de leur sexe et se faisant un malin plaisir, nous parlons du mélange, de faire tripoter dans les bouts des femmes et des filles délicates. Il y avait dans la fange des marquises, des comtesses, et entre autres une baronne, qui parut faire son rôle avec quelque plaisir. Une partie des femmes armées se mit en route dès midi, et même auparavant. Elles étaient mêlées d'hommes déguisés. La plupart des bourgeoises tâchèrent de s'évader. Les hommes étaient sous les armes. On voyait défiler les femmes. Il y en avait une, jeune, assez jolie, qui montait sur un canon que traînaient deux chevaux, paraissait la générale de son sexe. « Eh bien, me suit-on » disait-elle sans cesse. « Avancez donc, vous autres, marchez donc, sans cœur !» disait-elle à celle qui s'arrêtait. Elle montrait une partie de ses charmes et ne s'en embarrassait guère. On assure même que, quelqu'un ayant admiré une certaine portion, elle répondit « Ce sera pour le grenadier qui fera le mieux son devoir. » Est-il utile, Martial Poirson, de rappeler que c'est un homme qui nous narre tout cela ? Oui, et on le voit d'ailleurs, puisque, évidemment, il y a à la fois un hommage sincère qui est porté à ces femmes de toutes conditions, hein, qui sont pas simplement des femmes populaires, qui se sont levées en masse pour pouvoir marcher sur Paris, et en même temps, des éléments de désamorçage, puisque régulièrement, on rappelle qu'elles usent de leur charme, qu'elles sont mélangées à des prostituées, hein, donc on retrouve le stéréotype de la femme publique. Et ce qui est important dans cette marche, c'est que on est dans une toute autre configuration que la période précédente, puisque tout à coup, cette marche est le passage des traditionnelles insurrections populaires, les émeutes frumentaires, les émeutes contre les taxations qui existent depuis le Moyen-Âge. Hein, je pense en particulier à la révolte des Maillotins en 1382, qui est lancée par une femme. Hein, donc tout ça est très classique. Une marchande de Cresson. Là, on a effectivement aussi des femmes qui sont des marchandes. On a ce qu'on les appelle tour à tour les dames de la halle, les harangères, marchandes de harangues, les poissardes, un terme qui est resté. La poissarde, c'est une figure fondamentale de l'Ancien Régime, puisque par son métier, elle occupe une fonction publique. Elle est sur les marchés, elle est sur les étals. Elle aboie la réclame de sa marchandise et en même temps elle commente les actualités. Hein, donc avec une violence potentielle, on est déjà dans le marché de Brive-la-Gaillarde de Georges Brassens. Oui, c'est ça. Alors il y a une violence et une vulgarité qui est revendiquée. Elle crée d'ailleurs un langage qu'on appelle le langage des poissardes, qui sera moqué ensuite par tout le théâtre du 19e siècle et qui est une façon de dire, pour être entendu dans l'espace public qui nous est de plus en plus retiré, donc, qui nous est de plus en plus confisqué. Entre-temps, il y a eu quand même au XIVe siècle la loi salique qui a interdit aux femmes la succession du trône, en France en tout cas, et dans certaines autres monarchies d'Europe, qui les a privées également du droit de succession. Hein. Donc il y a une sorte de resserrement de l'espace public et de resserrement sur l'espace domestique. Et ces femmes, donc finalement, par leur position, occupent le terrain et exhortent les femmes à l'action, ce qui se passe dans ces journées du 5 et 6 octobre, où elles vont à Paris et, dit Michelet, si les hommes ont pris la Bastille, les femmes ont pris le roi. Hein, donc c'est vraiment une conquête politique majeure, peut-être la plus grande conquête en fait de la Révolution, puisqu'à l'issue de cette marche, qui a été relativement peu sanglante, contrairement à ce qu'a raconté ensuite le récit misogyne, bon... Les gardes de la porte du roi ont été décapités, mais finalement il y a eu assez peu d'effusion de sang. Et en revanche, le roi a été contraint de signer la Déclaration des droits de l'homme et de renoncer à Versailles pour Paris. Hein. Il a cédé à la force féminine, en l'occurrence à la violence féminine. On dit parfois que la femme qui est évoquée à la fin de la citation, du texte que je vous ai donné à entendre, serait Théroigne de Méricourt. Peut-être mérite-t-elle qu'on s'attarde sur cette personnalité. Je citerai des vers de Baudelaire dans son poème Sicina. « Avez-vous vu Théroigne, amante du carnage, excitant à l'assaut un peuple sans souliers, la joue et l'œil en feu, jouant son personnage et montant sabre au poing les royaux escaliers. » Théroigne de Méricourt est belge, en fait, elle vient de Liège, on l'appelle la belle liégeoise, elle est considérée comme une femme d'une immense beauté, hein, ce que tous les témoignages de l'époque accréditent, et elle rejoint Paris, elle s'installe à Versailles, elle assiste à toutes les délibérations, elle n'est probablement pas à la marche des Versaillaises, même si tous les récits de l'époque la représentent en effet juchée sur son canon dans un symbole phallique, mais en revanche, elle se promène, sabre aux côtés, pistolet à la ceinture, dans une attitude guerrière. En 1792, elle exhorte les femmes à la lever en armes. Hein, donc on retrouve la chanson du début sur le départ des volontaires. Elle fait un grand texte qui dit « Femmes, armez-vous parce que vous en avez le devoir. Vous devez participer au tribut de sang, hein, au même titre que les hommes. » Et elle milite pour la formation d'unités féminines combattantes. Donc c'est vraiment une figure de femme soldat, très engagée dans les idéaux de la Révolution et qui, à partir de 93, est considérée par un certain nombre de figures masculines, mais aussi féminines, on va le voir, comme une menace. Hein, et on le voit bien d'ailleurs dans l'amante du carnage de Baudelaire, reprend un siècle plus tard cette idée de la femme virago, donc qui usurpe les attributs de la masculinité, de la furie qui va exhorter le peuple à des actes sanguinaires. Donc ça, c'est toute la propagande de l'année 1793 qui porte sur Théroigne, mais aussi beaucoup d'autres femmes, et qui conduit, en 1793, à l'interdiction des clubs révolutionnaires féminins et à l'interdiction pour les femmes de siéger dans les assemblées. Vous avez raison d'insister sur le fait qu'un certain nombre de femmes sont hostiles à ce type de figure. Là aussi, c'est une continuité qu'on doit pouvoir retrouver jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas à travers le XXe siècle. On a toujours vu un certain nombre de femmes s'élever contre le féminisme et contre la violence éventuelle adoptée par des femmes. Oui, alors plus à l'époque en tout cas contre la violence adoptée par les femmes que le féminisme, parce qu'on ne peut pas parler chez Théroigne de posture féministe. Hein, elle considère que les femmes doivent tenir leur place parmi les hommes dans les actes de combat. Et en 1793, devant... C'est tout de même une forme de pré-féminisme, non ? Oui, alors on peut le considérer comme tel, effectivement. Mais en tout cas, c'est pas ce dont elle se réclame. Et en revanche, elle est fouettée publiquement en 93. Marat est obligé d'arrêter cette séance d'humiliation publique par des femmes, des citoyennes tricoteuses, au motif justement du caractère un peu extrême de ses postures. Et à l'issue de cet épisode tout à fait traumatique, elle sera internée. Alors ça va sauver sa tête d'une certaine façon, c'est quasiment la seule figure de femme révolutionnaire qui sera pas décapitée. Mais à quel prix? Puisque jusqu'en 1817, elle subit les premières expérimentations de la médecine psychiatrique. Elle est exposée en pâture aux bons bourgeois qui viennent la voir dans sa cellule, demi-nue, mangeant ses excréments, raconte la légende. Enfin voilà, quelque chose de tout à fait terrible. Quoi. Le fouet est une permanence. On nous a beaucoup dit que des brigades féminines de la police djihadiste fouettaient les femmes qui refusaient de plier leur destin à ce qu'on essayait de leur imposer. Oui, absolument. Alors l'histoire regorge d'exemples de ce type de femmes, de violence de femmes à l'égard d'autres femmes finalement. Hein. Un des exemples les plus terribles, outre Daesh, étant évidemment les femmes geôlières dans les camps de concentration nazis, sur lesquelles on a beaucoup de documentation aujourd'hui et qui montrent que finalement la cruauté et la violence gratuite n'avaient rien à envier à celle des camps d'hommes tenus par des hommes. On peut rester un instant sur le cas de Charlotte Corday, l'ange de l'assassinat qui vient effectivement tuer Marat, symbole de la Révolution en marche, dans sa baignoire, et qui écrit à son père, après son acte meurtrier, J'ai vengé bien d'innocentes victimes. J'ai prévenu bien d'autres désastres. Le peuple, un jour désabusé, se réjouira d'être délivré d'un tyran, Marat, pervertissant le peuple. J'ai tué un homme pour en sauver 100 000, un scélérat pour sauver des innocents, une bête féroce pour donner le repos à mon pays. J'étais républicaine bien avant la Révolution. Oui, c'est une très belle lettre, effectivement, qui d'ailleurs s'inscrit tout à fait dans la logique de Charlotte Corday après l'attentat, puisqu'elle assure elle-même sa défense contre le terrible Fouquier-Tinville, qu'elle transforme finalement son procès en tribune, et que d'ailleurs le procès est raccourci parce que ces paradoxes pour l'époque deviennent très populaires. Et cette idée selon laquelle elle était la première républicaine, évidemment, est peut-être encore plus insupportable pour les révolutionnaires de l'époque que son acte éprouve, effectivement, que la légende républicaine devait remettre les choses en ordre, ne lui a pas finalement rendu justice en la plaçant du côté du mal, en la plaçant du côté de la contre-révolution, d'une personnalité qui aurait été manipulée par l'Église, alors qu'elle est l'exemple type, finalement, de cette détermination à agir, de cette action directe, la femme qui considère qu'il n'y a plus d'autre moyen que le crime politique pour faire œuvre d'humanisme, d'une certaine façon. Michelet a écrit de belles pages sur l'acte et sur sa marche à la guillotine de cet ange de l'assassinat. Oui, alors Michelet, d'une façon quand même relativement ambivalente, puisqu'il rend hommage au courage de la femme, mais tout en discréditant évidemment les motifs, les mobiles de son action, ce qui est bien naturel pour un théoricien. Je le cite précisément du fait de cette ambivalence, qui est quelque chose d'assez permanent dans le regard que les hommes ont jeté sur la violence des femmes à travers les âges. Oui, tout à fait. Et on peut d'ailleurs faire un parallèle qui pourrait sembler audacieux au regard de la légende républicaine entre le destin de toutes ces femmes qui, sous la Révolution française, sont manifestées. Moi, j'hésiterais pas à dire que finalement, il y a une sorte de communauté de combat entre les citoyennes tricoteuses. C'est cette version féminine de la sans-culotterie qui accompagnait les délibérations, qui siégeait jusqu'en 93 dans les clubs et assemblées, qui, dit-on plus tard, et notamment à cause de Chateaubriand, se complaisaient à regarder le spectacle de la guillotine en comptant les mailles de leur tricot. Donc on les a appelées ensuite les lécheuses de guillotine. Enfin voilà, il y a tout un imaginaire qui s'est complètement retourné contre elles. Et une autre figure majeure de l'émancipation féminine qui est celle des merveilleuses, des muscadines, des incroyables, donc ces femmes qui, à partir du directoire et jusqu'à Napoléon... En réaction à la terreur. On mettait des fils rouges autour du cou pour appeler la guillotine. Voilà, elles organisaient des bals de victimes où n'étaient admis que ceux qui pouvaient attester du fait que certaines personnes de leur famille étaient mortes, qui adoptaient des tenues vestimentaires extrêmement provocantes, qui ont lancé notamment des tenues beaucoup plus près du corps, des étoffes très transparentes et qui ont mené... d'une certaine façon, une sorte de révolution sexuelle avant la lettre, en fait. Et donc, on voit bien, finalement, que ce combat des femmes, sous la Révolution française, devient un combat des femmes qui dépasse les clivages idéologiques et qui permet de rapprocher des personnalités qui étaient complètement des deux côtés opposés, de la Révolution et de la contre-révolution. Toute une pensée de droite a fait un lien entre les tricoteuses que vous évoquiez et... bien des décennies plus tard, les pétroleuses de la Commune. On peut dessiner une sorte de grande séquence révolutionnaire depuis octobre 1789 et le printemps 1871 à Paris. Ces pétroleuses ont une place centrale parmi ces femmes combattantes dont nous parlons ce matin, Martial Poirson. Absolument, elles sont les héritières. Alors encore d'ailleurs, une figure d'émeutière et d'insurgée qui se réclame des Amazones, la métaphore fait retour, et également une figure qui, dans son nom même, porte la marque de son ambivalence, puisque la pétroleuse, c'est en fait la barricadière, c'est en fait la communarde, mais dans une vision totalement stéréotypée et en grande partie fausse sur le plan historique, puisqu'on on l'assimile aux incendiaires. C'est ces incendies qui ont dévasté la ville. Pétroleuse. Pétroleuse, c'est celle qui, avec son bidon de pétrole et sa torche, va, dans l'imaginaire populaire de l'époque, incendier les bâtiments officiels, détruire le patrimoine national et, de nouveau, donner un tour violent à des insurrections populaires qui auraient pu peut-être, selon l'imaginaire tout à fait fantasmatique de l'époque, conduire à une autre issue. Donc elles sont rendues responsables et discréditées par leur nom même, au même titre que les tricoteuses, d'ailleurs, un siècle plus tôt, de, finalement, ce qui relève d'une action politique. Faut pas oublier que la Commune commence quand même par... une barrière de femmes, en fait, qui viennent faire un cordon sanitaire et s'opposer aux soldats et exiger que les soldats de la garde retournent leur fusil, retournent la crosse de leur fusil. Parce qu'ils venaient, chercher les canons. Que Versailles et Thiers pensaient devoir appartenir à la nation et que les femmes, et bien les hommes aussi, mais les femmes à l'époque considérées comme propriété de la ville et de la commune et en somme du peuple. En somme du peuple. Tout à fait. Louise Michel est à cette époque la fameuse Vierge Rouge, une sorte d'incarnation de cette violence féminine qui est en même temps un grand effort de compassion et de pédagogie. Absolument, et avec en même temps une partie de son combat qui n'a pas été entendue, puisque Louise Michel est une révolutionnaire convaincue, mais est aussi une militante pour la cause des femmes. Sous la Commune de Paris, on voit apparaître une forme de socialisme féministe, d'une certaine façon, qui va être complètement occultée par le dogme, placée sous le boisseau, et ce qui fait que ces figures, finalement, aujourd'hui réhabilitées à juste motif, sont en partie en porte-à-faux avec leur propre mouvement à l'époque. Et ça, c'est aussi une des caractéristiques de toutes ces femmes combattantes, que d'avoir dû à l'intérieur de leur propre camp convaincre, ce qui n'est peut-être pas, quand on voit le destin récent d'une candidature féminine à la présidence de la République au sein d'un parti de gauche, ce qui n'est peut-être pas tout, aujourd'hui complètement abandonné. Ne vois pas à qui vous faites allusion. J'en viens maintenant, et ce sera le dernier moment de notre conversation, au cas des suffragettes anglaises, qui me paraissent aussi avoir incarné un moment tout à fait représentatif, topique, de cette longue durée des femmes combattantes. On a parfois oublié en France que ce combat pour l'égalité, pour le droit de vote et pour l'égalité aussi civique et civile a été conduit par un certain nombre de Britanniques, de femmes. Mrs. Pankhurst en particulier, restée très célèbre, avec une grande violence, des attentats, des assauts contre des magasins de toutes sortes et contre des symboles de la monarchie. Absolument, le combat des suffragistes britanniques. On dit suffragistes ou suffragettes ? Alors, on dit les deux, en fait, ça désigne pas les mêmes personnes. Les suffragistes, c'est ce mouvement constitutionnaliste qui pense par voie légale pouvoir obtenir le droit de vote des femmes et qui donc va exercer des recours répétés au Parlement britannique. Et dont l'inefficacité conduit à l'émergence des suffragettes. Absolument. Et à partir du début du XXe siècle, après déjà 40 ans de lutte suffragiste, d'abord un petit peu sporadique et puis ensuite structurée vraiment au sein de mouvements, de syndicats, de partis, Emmeline Pankhurst décide que la voie des armes, le passage à la violence est le seul moyen de conquérir des droits, ce qui est un paradoxe évidemment pour nos démocraties, mais qui dans la situation de l'époque est le résultat d'un calcul politique. Et donc tout à coup, les suffragettes qui cherchent à se démarquer des suffragistes, qui font d'ailleurs sécession au sein des partis, qui sont désavoués par une partie des suffragistes britanniques, et une partie d'ailleurs des hommes qui étaient favorables également à la cause du vote des femmes, qui vont tout à coup prendre effroi de cette mobilisation violente, de cette action directe, vont commencer à entamer des actions, alors d'abord relativement bénignes, il s'agit de briser des vitrines avec des petits marteaux, ensuite de faire exploser des boîtes postales, et puis finalement de brûler une église, de faire des actions militantes devant le roi, de chercher à agresser des personnalités politiques, de dégrader un tableau de la Vénus de Velázquez dans le Grand Musée de Londres. Donc la chose monte en puissance. Tableau considéré comme rétrospectivement comme misogyne. Comme misogyne. Problème de l'anachronisme. Oui, parce que représentation d'un nu féminin, problème qui a été réactivé récemment par d'autres courants politiques. Mais en tout cas, donc il y a cette montée en puissance qui entraîne une répression très cinglante. La presse de l'époque les qualifie de terroristes. C'est une des premières fois, à ma connaissance, où le terme apparaît. Il avait déjà été employé sous la Révolution française, mais pour l'autre bord. Tout à coup, donc, on a des emprisonnements nombreux de femmes auxquelles on refuse le statut de prisonnière politique. Leur slogan, c'est « deeds, not words », des actes, pas des mots. Des actes, pas des mots. On est frappé aussi par la symbolique déjà de cette action, avec cette identité visuelle, les trois couleurs, le violet, symbole de dignité, qui sera repris par le MLF dans les années 70, le blanc, qui est un gage de pureté, et le vert qui est porteur d'espoir. Tout à fait, il y a tout un travail iconographique, notamment dans les grands mouvements de manifestation. Il y a beaucoup d'ailleurs de suffragettes qui appartiennent à des écoles d'art et qui vont faire des bannières, des slogans. Il y a vraiment une théâtralisation de cette action, de cette présence de la femme dans l'espace public. Et donc une réponse policière qui va dans la surenchère et qui va elle aussi contribuer en partie à radicaliser le mouvement. Ces femmes qui sont ensuite internées se voient refuser le statut de prisonnières politiques et entament une grève de la faim qui motive des gavages, selon le terme de l'époque forcée, c'est-à-dire en fait qu'on leur met des grands entonnoirs dans la gorge et qu'on les bourre de mie de pain humide pour pouvoir les obliger à se nourrir avec la complicité d'un médecin de garde qui valide cette chose-là. Donc c'est ça qui va être en fait l'élément mobilisateur pour l'opinion et l'élément d'un retournement de la conscience populaire, de la conscience collective, finalement, puisque ces femmes vont, d'une certaine façon, mettre en évidence la violence du système répressif à leur égard et le caractère insupportable pour le pouvoir en place de leurs revendications. Et Mrs. Pankhurst, symboliquement, avait trois filles qui ont mené le combat. Et il y a une autre militante qui est morte symboliquement lors du derby en voulant arrêter un cheval, c'est ça? Oui, Emily Davidson, qui cherche à donc attirer l'attention du roi et qui du coup va se jeter littéralement sous les pas d'un cheval et mourir des suites de ses blessures. Donc ça, c'est aussi un élément très mobilisateur pour l'opinion, puisque ça va permettre de montrer la radicalité, le courage finalement de ces femmes dans la conquête de leurs droits. Mais cette violence a permis qu'à partir de 19, le vote des femmes soit établi, avec des limites d'ailleurs, limites d'âge, limites diverses, qui a fait que seulement 40%, je crois, des femmes ont voté à ce moment-là, et puis ensuite, naturellement, le mouvement a continué. Oui, seules les femmes de plus de 30 ans sont dans un premier temps, ce sera assez rapidement ensuite rétabli, mais autorisées à voter, ce qui prouve que la perception de la majorité légale pour les hommes et les femmes varie de plus de 10 ans à l'époque, dans l'imaginaire collectif, et surtout le motif de l'attribution du droit de vote n'est évidemment pas l'effet guerrier menée par ces suffragistes, même si c'en est la conséquence directe, mais l'effort de guerre, l'implication des femmes dans l'effort de guerre et notamment dans les usines d'armement, les fameuses munitionnettes. Comme Français, on s'intéresse évidemment à l'influence des suffragettes en France. La chronologie a été retardée. Néanmoins, une figure est restée symbolique de ce mouvement pour la conquête notamment du droit de vote, c'est Louise Weiss. Louise Weiss, européenne de surcroît, passionnée par la Société des Nations, et qui, juste après l'élection du Front Populaire, en juin 1936, va faire une action d'éclat à l'hippodrome de Longchamp, toujours les chevaux, et qui s'exprime de la sorte. Vous allez voir, c'est un texte assez ciselé, avec un ton d'époque. Sur l'hippodrome de Longchamp, hier après-midi, quelques instants avant le départ du Grand Prix de Paris, des suffragettes, avec à leur tête Madame Louise Weiss, envahirent le terrain. Madame Louise Weiss est venue à notre micro et nous lui avons demandé le but de cette manifestation. Nous avons en effet risqué un geste hardi pour que les Françaises obtiennent toutes le droit d'être immédiatement associées à la direction de leur pays dont la vie matérielle et la vie morale sont en danger. Si nos suffragettes veulent avec une telle force, avec une telle passion, conquérir un nouveau statut civil et politique, c'est pour améliorer le sort du peuple, pour l'aider à enfanter la mystique de force et de bonheur vers laquelle il tend. Afin d'obtenir ce statut, nos associés et nos sympathisants, 100 000 adhésions, ont été jusqu'à l'extrême limite des moyens légaux. Elles ont jusqu'à présent mené leur propagande avec un courage et une bonne humeur dont le pays a été le témoin. Toutes les promesses leur ont été faites. Quelles sont celles qui ont été tenues? On en est encore à parler de conseillères municipales adjointes facultatives, désignées, sinon élues. C'est insuffisant. Nous avons remis, à la suite de notre manifestation, une lettre au président du conseil, lui recommandant non seulement de nous donner le droit de vote, mais encore de veiller au sort de nos enfants. C'est pour eux, les moins de 16 ans, les moins de 13 ans même, que nous réclamons la semaine de 40 heures. Nous ne la réclamons pas pour nous, car alors le ménage de la France ne serait pas fait, et c'est cette éventualité qui serait la pire de toutes, n'est-ce pas, monsieur le président? Le président, c'est Léon Blum. Le ménage ne sera pas fait, il y a un commentaire à ce propos. Oui, c'est là qu'on voit bien les limites, effectivement, de cet engagement. Alors, d'une part, il y a l'idée selon laquelle la voie diplomatique a été un échec, hein, ce qui est effectivement le problème de la France. On obtiendra le vote qu'en 1944. Et puis, en même temps, il y a cette réserve. Donc, on demande des droits, mais en même temps, il ne faut pas que ces droits nous empêchent de correspondre aux assignations de genre traditionnelles. Donc, la militante suffragiste doit pouvoir être également une bonne épouse et une bonne ménagère. Que diriez-vous, pour finir, Martial Poisson, de l'héritage aujourd'hui dans les combats du féminisme contemporain auquel nous assistons? Alors je dirais que par un paradoxe historique, cet usage de la violence, dont on a vu qu'il était récurrent dans l'histoire et à certaines époques tout à fait admis, hein, puisque c'est généralement pas là-dessus que portaient les clivages, est devenu un point très clivant dans le féminisme contemporain, puisqu'aujourd'hui, il semble que le passage à la violence, c'est une sorte de remise en cause du mythe de l'innocence féminine. Hein. Donc dans certains cas, on considère que la radicalité va nuire à la cause. C'est le reproche qui est fait par un certain type de féministe aux femmes notamment, hein, ces femmes qui se défilent dans la rue demi-nues, qui utilisent leur corps comme un étendard, qui vont écrire des slogans à même leur corps et qui jouent sur cette provocation que peut susciter, alors peut-être moins dans notre pays que dans les pays où ça a commencé, en Europe de l'Est et jusqu'en Russie, hein, où elles ont fait l'objet de répression tout à fait sauvage. Cette nudité sur l'espace public est considérée comme insupportable. Elles-mêmes, dans leurs propos publics, notent toujours cette différence entre les pays de caractère plus ou moins dictatorial et les démocraties. Oui, absolument. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, en réouvrant ce dossier de la violence féminine, c'est que finalement, il permet de mettre en œuvre de nouveaux combats, en fait, hein, et de montrer que cette violence féminine, elle a été systématiquement caricaturée, utilisée comme à contre-emploi par rapport aux revendications dont elle faisait l'objet, et qu'elle est aujourd'hui encore, en fait, un outil de mobilisation et peut-être une chance de succès pour un certain nombre de causes. En tout cas, c'est la leçon des suffragettes britanniques, et cette leçon reste, à mon avis, actuelle. Eh bien, voilà un mot de la fin qui me paraît tout à fait opportun, Martial Poisson. Je rappelle le titre de votre livre, sur lequel nous avons largement fondé cette conversation, Combattante, une histoire de la violence féminine en Occident, aux éditions du Seuil, avec une préface de Christiane Taubira. Vous avez la collaboration d'un bon nombre d'excellentes historiennes, en particulier d'historiens aussi, mais d'historiennes telles Claude Gauvard, Pauline Schmitt-Pantel, Laure Godineau ou encore Arlette Farge. Je donne à connaître aussi un autre ouvrage que vous avez dirigé qui s'appelle Amazone de la Révolution. Il date de 4 ans, 2016, édition Gourcuff. Amazone de la Révolution, des femmes dans la tourmente de 1789. Amazone, Révolution, c'est bien cet écho-là que nous avons tâché de donner à connaître. Je voudrais aussi évoquer parmi une bibliographie qui sera beaucoup plus riche comme d'ordinaire sur notre site. Je voudrais évoquer l'ouvrage de Bibia Pavard, Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel, Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, paru tout récemment à La Découverte. Et puis nous parlions de Jeanne d'Arc. Je viens de recevoir un livre précieux qui est consacré à 100 ans de discours aux fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans. C'est un livre de Pierre Alorant et Yann Rigolet qui s'appelle « Voix de fête 1920-2020 » aux éditions Corsaire, tout juste sorti du four. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission, comme vous le savez, sur notre site. Samedi prochain, ce sera en direct et en public de nos prestigieux rendez-vous de l'histoire de Blois. Nous traiterons du sujet suivant avec Jean-Paul Demoux, l'éminent préhistorien, « Le confinement, une longue histoire ». Et lundi matin, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit, qui consacrera sa semaine au thème des rendez-vous de l'histoire de Blois, c'est-à-dire gouverner, qui sera en direct également de Blois le vendredi 9 octobre. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Swat Boukorsa, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique Jolivet. Dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères.